franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Opération chair à pâté. Non, il ne s'agit pas du titre d'un film de Claude Zidi, mais du nom de code, d'une authentique opération de mystification militaire, sans doute l'une des plus ingénieuses jamais imaginées par un service de renseignement. Opération chair à pâté, donc. Minsmith en anglais. Car cet extraordinaire canular a été mis au point par des officiers britanniques qui ont exercé, en l'occurrence, leur humour très british en choisissant cette appellation pour une opération où le personnage principal était un cadavre, bref, de la viande froide. Est-ce que Minsmith a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale, comme certains le pensent? C'est possible, dans la mesure où cette supercherie a effectivement trompé Hitler et son état-major et facilité en 1943 le débarquement des troupes alliées en Sicile, alors qu'elles étaient attendues par les Allemands sur les côtes de Grèce et de Sardaigne. Minsmith a donc amorcé la conquête victorieuse de l'Italie, puis de l'Europe tout entière. Monsieur X décortique tous les ressorts de cette mystification aussi diabolique que risquée. Littérature et espionnage font souvent bon ménage. La preuve, avec la genèse de Minsmith. À l'origine, il y a un petit ouvrage, le « Mémo de la truite », rédigé en 1939 par le chef des services de renseignement de la Royal Navy, l'amiral John Godfrey, à destination des officiers qui étaient sous ses ordres. Le « Mémo de la truite », titre bizarre, ça. Pas tant que ça. L'amiral comparait le métier d'agent de renseignement à la pratique du pêcheur de truite. Et il écrivait... Par exemple, oui, j'ai le texte sous les yeux. « Toute la journée, le pêcheur de truites lance patiemment son leurre, change souvent de lieu et d'appât. S'il effraie le poisson, il lui arrive de rester immobile pendant une demi-heure, mais il n'en perd pas de vue pour autant son objectif principal, attirer le poisson en l'appâtant depuis son bateau. Ouais. Une école de patience, donc. Ah, pas seulement ça. Le pêcheur, c'est-à-dire l'agent, doit aussi tromper sa proie. Et dans son opuscule, Sir John livrait quelques dizaines de procédés permettant d'appâter l'ennemi. Certains étant loufoques, mais d'autres plus sérieux. Vous comprendrez mieux lorsque je vous aurai dit que l'amiral avait coécrit son petit manuel avec son assistant, un certain Ian Fleming. Le créateur de James Bond. Lui-même. Ouais. Et d'ailleurs, dans ses romans policiers, Fleming s'inspirera du vrai John Godfrey pour créer son célèbre personnage de M. C'est-à-dire le chef des services secrets britanniques et donc le patron de l'agent 007. C'est ça. Fleming avait non seulement de l'imagination, mais il avait beaucoup lu. Il se souvenait en particulier d'un livre de Basil Thompson, un ancien policier de Scotland Yard, devenu un écrivain très prolixe. Dans cet ouvrage, Thompson avait imaginé une ruse destinée à intoxiquer l'adversaire. À proximité d'une côte, un aviateur était censé avoir été victime d'un accident de parachute. Sur son cadavre, on trouvait des documents confidentiels. Ouais, de fausses informations. Qui avaient pour objectif d'abuser l'ennemi. Ouais. Astucieux, enfin, condition de disposer d'un cadavre. Hein. Évidemment, car dans l'esprit de Godfrey et de son adjoint, il n'était pas question de tuer un homme pour lui faire jouer ce rôle macabre. Ouais. En tout cas, c'était donc l'une des propositions contenues dans le mémo de la truite. Et deux officiers de renseignement britanniques vont opportunément se saisir de cette ruse de guerre inédite. On est alors à la fin de l'année 1942. Les Alliés ont déjà pris pied en Afrique du Nord. L'étape suivante, c'est forcément un débarquement sur une côte européenne. Le commandement allié a déjà décidé qu'il aurait lieu en Sicile. Oui, afin de progresser ensuite dans la botte italienne. Hein. Oui, c'est d'autant plus judicieux que la Sicile n'est défendue que par les troupes italiennes. Jugée moins performante que les Allemands. En effet. Mais Hitler peut faire le même raisonnement et envoyer une division destinée à renforcer la défense de l'île. Par conséquent, il faut lui faire croire que le débarquement aura lieu ailleurs. En Sardaigne, par exemple. Une tête de pont idéale pour envahir ensuite la Corse, puis le sud-est de la France. Mais les Alliés pensent surtout à la Grèce, une voie d'accès vers les Balkans. Et pour accréditer ce projet, ils comptent sur Hitler, qui fait une véritable fixation sur cette région. Expliquez-moi. Le Führer veut à tout prix conserver les Balkans. Pourquoi ? Bah d'abord en raison des richesses naturelles de la région, des matières premières essentielles pour le Reich. Il y a aussi le vieux rêve allemand de se constituer un empire en Arabie. Et ça passe par le maintien de l'occupation nazie des Balkans. Hitler est donc presque naturellement amené à croire que les Alliés voudront débarquer en Grèce afin de progresser ensuite vers les Balkans. C'est exact, mais ça ne suffit pas. Il faut l'en persuader. Et c'est là où l'on va retrouver le subterfuge imaginé par Ian Fleming. Et Basil Thompson. Bien sûr. Et ici, il me faut faire une parenthèse. Curieusement, les promoteurs de l'opération Mincemeat vont aussi s'inspirer d'un fait réel qui apparaît comme une première expérimentation grandeur nature, mais involontaire. Je vous raconte. En 1942, juste avant le débarquement en Afrique du Nord, un avion Catalina s'est écrasé en mer. À bord se trouvaient deux officiers chargés de documents top secrets quant au déroulement de la future opération Torch. Oui, c'est-à-dire justement le débarquement allié en Afrique du Nord. Hein. Dans ces documents, il y avait en particulier la date exacte du début de cette opération. Oui, c'est une information essentielle pour l'ennemi. Bah, s'il avait pu récupérer les corps de ses officiers. Eh bien justement, ça a été le cas. Les deux cadavres se sont échoués sur la côte espagnole près de Cadix. Ils ont donc été récupérés par les autorités espagnoles. Et l'Espagne, vous le savez, est restée officiellement neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Officieusement ? Pas de nombreux dirigeants nourrissaient une sympathie certaine pour les nazis. Par conséquent, les documents que possédaient les deux malheureux officiers ont été examinés par des agents allemands présents en Espagne avant d'être remis tardivement aux autorités britanniques. Et comment Londres en a-t-il eu la preuve ? Ben grâce aux écoutes radio des services allemands qui ont pu être décryptées. Et c'est assez étrange. Les Espagnols, peut-être par superstition, n'ont pas osé s'emparer des documents qui se trouvaient dans la poche intérieure du cadavre du lieutenant Turner. Mais ils ont raflé ceux qui étaient transportés dans une serviette par l'autre officier, un agent de liaison des forces françaises libres. Il y avait un carnet qui faisait vaguement référence au prochain débarquement en Afrique du Nord. Oui, enfin, les Allemands étaient donc avertis. Oui, Mais ils ont pensé qu'il s'agissait d'un leurre. Et l'état-major éclairien n'en a pas tenu compte. Coup de chance, oui. Ah, certainement, oui. Mais est-ce que ce n'était pas embarrassant là, pour les initiateurs de l'opération Minsmith, là, les Allemands ? Pouvaient de la même façon ne pas accorder foi aux informations qu'on tenterait de leur communiquer via un cadavre. C'était en effet un risque à courir. En tout cas, cette affaire était riche d'enseignements. D'abord, elle confortait le scénario de l'échouage d'un cadavre transportant des documents. Ensuite, et c'était essentiel, les services britanniques savaient que ces documents seraient lus par des agents allemands. On passe donc à l'action. Alors, qui sont les hommes ou le service qui vont concrètement monter la mystification ? Le service, nous en avons parlé assez récemment lorsque j'ai évoqué la vie extraordinaire de l'un des super-espions de la Seconde Guerre mondiale, Dusko Popov. Un agent double qui a inspiré le personnage de James Bond. Et vous voyez que Fleming n'est jamais très loin. Cet organisme, c'est le comité, Double Cross, double croix, rassemblant des représentants des services de renseignement de la marine, de l'aviation et de l'armée. Il avait été créé pour coordonner la manipulation des agents doubles. Sa mission était donc de tromper l'ennemi en l'intoxiquant par de fausses informations transmises par ses propres agents. Des agents retournés, donc. Ou ayant choisi sciemment, comme Popov, de passer du côté allié. Ouais, tout en feignant de continuer à travailler pour les Allemands. C'était donc des spécialistes, les gens de Double Cross, c'était des spécialistes de la désinformation. Et autre initiative de ce même organisme, toujours pour tromper Hitler à propos du lieu de débarquement, on va inventer une armée britannique virtuelle, la 12e armée chargée d'envahir les Balkans. Oui, afin de fixer les divisions du 3e Reich dans les Balkans et en Grèce. C'est cela. Alors les hommes maintenant. Les scénaristes de Minsmith sont essentiellement deux. Le premier, Charles Christopher Cholmley, a 25 ans. Il est grand, maigre et arbore une superbe moustache en guidon de vélo. Officiellement capitaine d'aviation dans la Royal Air Force, c'est le secrétaire du comité Double Cross où il représente le MI5. Ouais, c'est-à-dire le service de contre-espionnage. Il est donc au fait des projets les plus secrets de la guerre. Volontiers excentrique, mais militaire extrêmement efficace, c'est lui qui a repris au vol le stratagème décrit dans le mémo de la truite et a entrepris de le concrétiser. En ce sens, c'est le cerveau de la supercherie, Minsmith. Et le deuxième homme hein ? C'est le capitaine de frégate, Ewen Montagu. Plus âgé que Cholmley, il a 42 ans. Il s'agit d'un homme élégant, flegmatique et amateur d'humour anglais. Toujours la pipe à la bouche. Appartenant au département du renseignement de la Royal Navy. Montagu est le fils d'un des grands barons de la banque juive en Angleterre, Lord Swessling. Il est réputé pour avoir un grand sens de l'organisation et de maîtriser les détails. Ouais. Donc, un excentrique et un humoriste. Étonnez-vous après cela que l'opération ait été affublée du nom de code cher à pâté. Une appellation qui remplaçait la première, trop explicite, cheval de Troie. Plus sérieusement, c'est en octobre 1942, seulement un mois après l'affaire des deux officiers victimes d'un crash aérien en Méditerranée, que Cholmley expose son idée devant le comité Double Cross, l'échouage d'un cadavre d'officier britannique censé avoir péri en mer dans un accident d'avion. When the Führer says, he is the master race, we hail, Fire! Right into pure space, not to love the pure. Is a great disgrace, so be fire! Fire! Right into pure space! Quelques précisions sur le comité Double Cross. Je les ai trouvées dans le monumental ouvrage d'Anthony Kev Brown sur la guerre secrète. Le comité Double Cross avait été créé uniquement pour exercer un contrôle serré sur les agents allemands en Grande-Bretagne. Jusqu'à présent, il n'avait été qu'une organisation sans coordination dans laquelle la libre entreprise jouait un rôle majeur. Mais il allait se transformer en une arme particulièrement efficace. Dépendant du MI5, le comité tint sa première réunion le 2 janvier 1941 au QG du service dans St. James Street. Elle était dirigée par un Highlander de Seaforth, le colonel Thomas Robertson et John Masterman de l'université d'Oxford, professeur de 50 ans à la voix ténue, aux yeux bleu clair et rusés. Masterman devait devenir par la suite le chroniqueur officiel des activités en temps de guerre du comité Double Cross et en souligner les buts et les objectifs particuliers. Le premier était d'appréhender les agents ennemis pour les retirer du circuit ou les inciter à changer de maître car, grâce à un agent double, le comité obtenait parfois une information importante sur les intentions de l'adversaire. Un tel espion pouvait également être utilisé pour donner aux Allemands une fausse information en réponse à leurs questions qui pouvait influencer et peut-être changer les intentions opérationnelles de l'ennemi. Dans ce secteur de leurs activités, les membres du comité en viendraient à étendre leur système d'intoxication jusqu'au bureau de Hitler lui-même. Quand Chumley expose cette idée-là, quand même assez farfelue, est-ce qu'il est entendu ? Eh bien oui. Et il faut reconnaître qu'en matière de ruse, les Britanniques ont déployé des trésors d'imagination tout au long de la guerre. Ne serait-ce qu'à l'occasion de cette formidable opération d'intoxication qu'a été Fortitude. Ouais, pour masquer la réalité du débarquement en Normandie. Alors oui, les spécialistes britanniques du renseignement étaient prêts à accueillir toutes les idées, même les plus farfelues, pour reprendre votre épithète. Et ensuite, il a fallu passer aux travaux pratiques. Et première difficulté, il faut trouver un cadavre. Mais pas n'importe lequel. Bien entendu. Et l'idéal, pour ne pas avoir de difficultés avec une éventuelle famille, ce serait un cadavre anonyme. Celui d'un SDF ? Par exemple. Mmh. Autre impératif, l'âge. Ouais. Censé être militaire, il doit être relativement jeune. Enfin, puisqu'il a péri en mer, il est mort noyé. Donc, il doit avoir de l'eau dans les poumons. Vous avez tout compris. Mmh. Alors, comment trouver le cadavre parfait ? Chumley et Montaigu font appel au service du docteur Spilsbury, un célèbre médecin légiste qui est l'un des pionniers de la science criminologique en Grande-Bretagne. Et Spilsbury va réussir ? Oui. Avec l'aide d'un coroner bienveillant, il découvre à la morgue le cadavre assez récent d'un misérable sans famille connu, Glendur Michael, qui s'est suicidé en avalant de la morora à base de phosphore. C'est un point important, parce que le phosphore, selon Spilsbury, a la particularité de laisser peu de traces dans l'organisme. Ouais, donc, en cas d'autopsie, on ne pourra pas découvrir les vraies raisons de la mort de cet individu. Exactement. Seul inconvénient, si je puis dire, le phosphore colore légèrement la peau en jaune. Après tout, ce type pouvait avoir été hépatique. Reste une question embarrassante. Le cadavre a été trouvé, mais maintenant, il faut le conserver suffisamment frais jusqu'au moment où on décidera de l'utiliser. Et il est impossible de le congeler. Et pourquoi ? Parce que la congélation détruirait ses tissus mous, néanmoins. Il faut enrayer le processus naturel de décomposition. Aussi, sur les conseils du docteur Spilsbury, on le place dans un réfrigérateur très froid, dans un bain de glace. Mais le praticien prévient. Il faut faire vite, plus de 3 mois. Au-delà, on ne pourra plus en faire un noyer présentable. Or, la tâche qui attend Chumley et Montaigu avant de précipiter leur cadavre à la mer est considérable. Ouais, racontez. Première opération, il faut lui donner un nom et une légende, comme on dit dans le monde du renseignement. C'est-à-dire lui inventer une vie fictive. Il est donc décidé que la dépouille de ce pauvre Glendur sera désormais celle du capitaine William Martin, né à Cardiff et affecté aux opérations de harcèlement de l'ennemi sous le commandement de Lord Mountbatten. C'était un type intelligent, téméraire, issu de la bonne bourgeoisie galloise, mais orphelin de mère. Et pour parfaire le portrait, on lui invente une fiancée. Dans son portefeuille, on glisse une photographie. C'est celle d'une secrétaire du comité Double Cross. Deux lettres d'amour et même une bague de fiançailles qu'il a achetée pour sa belle. On pousse très loin le souci du détail. Hein. Les deux scénaristes imaginent même que le garçon a un découvert bancaire. Ah bah oui, à la suite de l'achat de la bague. Évidemment. Et le directeur de sa succursale bancaire lui a signifié son mécontentement dans une lettre furibarde. Et puis, il y a tout ce qui concerne son statut militaire. Plaque d'identification, papier d'identité, et là, nouvelle difficulté. Pour quelle raison, hein ? Bah, le plus simple aurait été de photographier le cadavre et d'arranger un peu la photo, mais le visage de Glendur s'était considérablement dégradé. Ouais, et Photoshop n'existait pas encore. Aussi, les deux compères ont-ils choisi de photographier un homme qui lui ressemblait. Enfin, toujours pour crédibiliser la légende du capitaine Martin, nos deux créateurs ont amassé des courriers, des objets permettant de retracer l'itinéraire et la vie de Martin dans les jours précédant son accident en mer. Et les documents secrets alors qu'il était censé transporter, hein. J'y viens. Un détail d'abord. Ces papiers seront placés dans une serviette attachée par une chaînette gainée de cuir à la ceinture de Martin et à son poignet. Et non pas dans son portefeuille. Il n'a pas évité que des Espagnols superstitieux n'osent pas le fouiller. Et cette chaîne attachée au cadavre indique qu'il s'agit là de documents très précieux et confidentiels. Mais quel genre de documents ? Martin était censé être un officier en service dont l'avion s'était écrasé alors qu'il ralliait Gibraltar depuis la Grande-Bretagne. Par conséquent, il ne pouvait pas transporter des ordres de mission ou des plans de bataille. On ne confie pas de tels documents à un simple messager. Oui, il y a la valise diplomatique pour ça. Oui. Par exemple. Alors, nouvelle ruse. On a imaginé de confectionner une correspondance privée entre des officiers de rang suffisamment élevés pour que l'ennemi prenne au sérieux les renseignements qui y étaient glissés. Oui, plus précisément. Là. Chumley et Montaigu ont donc pensé à une lettre personnelle adressée par le général Archibald Nye, vice-chef d'état-major général, au général Harold Alexander en poste en Tunisie, où il commandait une armée auprès d'Ike Eisenhower. Ouais, le commandant suprême des Alliés. Et ces deux hauts gradés britanniques là, se connaissaient bien ? Ah ben, ils entretenaient des liens amicaux. Et leur rang expliquait qu'ils pouvaient être au courant des derniers plans de bataille. Montaigu a rédigé plusieurs brouillons avant de recevoir difficilement le feu vert de la hiérarchie. Mais pourquoi ces hésitations-là ? Bah, pour tout dire, les généraux ne croyaient pas à l'efficacité de Mainsmith. Aussi, pour faire bonne mesure, Montaigu a obtenu de l'amiral de la flotte, Lord Mountbatten, qu'il écrive de sa main une lettre adressée au commandant en chef de la Méditerranée. Lettre dans laquelle il évoquait le capitaine Martin, présenté comme un spécialiste des engins de débarquement. Mais je reviens à la première lettre, là. À quel en était le contenu ? Ben, il fallait désigner la Grèce comme étant la cible de la prochaine offensive alliée. La Sicile n'étant qu'une cible de diversion. Ce faisant, les deux faussaires jouaient avec le feu. Expliquez-moi. Bah, les Allemands pouvaient flairer la supercherie et penser que la Sicile était la cible cachée. La véritable cible. On risquait donc de renseigner l'ennemi au lieu de l'égarer. D'autant que les Britanniques savaient, grâce à la machine Enigma, qui permettait de lire à livre ouvert dans les communications militaires allemandes, que l'ennemi s'attendait à une manœuvre de désinformation. Toutefois, bah, il était trop tard pour reculer. Et puis toujours à cause de ce cadavre qui, malgré la glace dans laquelle il baignait, ne cessait de se dégrader. Il fallait faire vite. Et procéder rapidement à son échouage. Mais où ? À proximité d'une côte espagnole ? Mais pas n'importe où. Finalement, après de nombreuses consultations, le choix s'est porté sur Huelva, un port de pêche où non seulement des Allemands étaient présents, mais où opérait un agent de l'Abwehr, très efficace. Oui, l'Abwehr, c'était le service de renseignement de l'armée du Troisième Reich. Hein. On pouvait donc imaginer que si le corps d'un militaire britannique était retrouvé sur la côte, cet espion s'y intéresserait aussitôt et ferait son possible auprès des Espagnols pour obtenir des renseignements et même la consultation des éventuels papiers qu'on trouverait sur le cadavre. Cependant, il demeure un dernier point à régler. Comment transporter le cadavre du faux Martin ? Et comment le jeter à la mer ? Et accessoirement, comment être certain que le corps viendrait s'échouer sur la côte ? « Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Opération Mincemeat, c'est le titre d'un ouvrage de Ben McIntyre qui raconte par le menu cette manœuvre inédite et exceptionnelle des services britanniques qui avaient reçu l'aval des plus hautes autorités en dépit des risques encourus. Extrait. Churchill avait donné son feu vert, mais à une condition. Avant que l'opération Mincemeat ne puisse continuer, il fallait obtenir l'accord du général Eisenhower, dont le débarquement en Sicile serait profondément affecté par le succès ou l'échec du plan. Laissant Churchill finir son cigare au lit, John Bevan, le contrôleur en chef des opérations de désinformation, retourna à son bureau et rédigea rapidement un télégramme chiffré top secret à Eisenhower au quartier général avancé à Alger. La réponse arriva dans les heures qui suivirent. Le général Eisenhower approuve sans réserve Mincemeat. Pour régler les derniers points que j'ai évoqués, il a été procédé ainsi. Comme il n'était pas question d'utiliser un bâtiment de surface trop visible de la côte et comme un largage par avion aurait pu disloquer le cadavre et sa serviette, il a été décidé d'utiliser un sous-marin. La dépouille du faux capitaine Martin a été placée dans un coffre cylindrique en acier rempli de neige carbonique, une sorte de grande bouteille thermos rangée dans la chambre des torpilles. Et bien sûr, seul le commandant du submersible était dans le secret de la présence à bord de ce cadavre clandestin drapé dans un impeccable uniforme. Ouais. L'embarquement a lieu à quelle date ? Aux alentours du 20 avril 1943. Et le sous-marin prend la direction des côtes sud de l'Espagne, qu'il atteint au bout de 10 jours de navigation. Le 30 avril, le corps est sorti de son coffre, transporté à bord d'un cadeau pneumatique et finalement largué à 1000 nautiques de la plage de Huelva. Est-on sûr qu'il va arriver sur la côte ? Oui. Avant le départ, un spécialiste des courants marins a été consulté. Le cadavre finira bien par s'échouer sur le rivage. Un détail. Dès que le pseudo Martin a été précipité à l'eau, le commandement du sous-marin a envoyé un message à l'amirauté. Mincemeat terminé. Et un peu plus tard, cet officier a rédigé une carte postale pour Montaigu. Colis bien livré. Toujours l'humour anglais. Mais c'est la suite qui va être décisive. Oui, et la question essentielle était celle-ci. Les Allemands allaient-ils avoir accès aux documents du capitaine Martin ? Comment les Britanniques, qui devaient être impatients, pouvaient-ils suivre à distance l'évolution de l'affaire ? D'abord, il y avait un consul britannique sur place. Ensuite, il est certain que si les Allemands avaient des agents en Espagne, les Anglais n'étaient pas moins pourvus. L'Espagne, pays en principe neutre, regorgeait d'espions de tout poil. Enfin, toujours grâce à Enigma, les Alliés pouvaient obtenir des informations de première importance. Alors, peu importe d'où venaient ces renseignements, voici ce qu'ils ont pu apprendre. L'autopsie, d'abord. Le médecin légiste, heureusement, n'était pas un phénix. La couleur jaunasse de la peau du cadavre ne l'a pas étonné. Oui, c'est-à-dire l'empoisonnement au phosphore. Là. Comme il n'a pas non plus insisté sur le fait que l'état du mort n'était pas tout à fait compatible avec un séjour de 5 jours dans de l'eau froide, comme l'indiquait son prétendu emploi du temps qui s'arrêtait au 24 avril, le jour présumé de l'accident. Lui penchait pour un séjour dans l'eau d'au moins 8 jours. Néanmoins, il n'est pas allé plus loin. Bref, ce praticien a accumulé les négligences. Et le 2 mai, on a procédé aux funérailles officielles du capitaine Martin avec les honneurs militaires. Ouais. Et ses affaires, alors ? Elles étaient provisoirement dans les mains des autorités espagnoles. Avant d'être remises, j'imagine, au consul britannique. Et paradoxalement, les agents anglais sur place, qui n'étaient pas dans le secret de Mincemeat, pressaient les Espagnols d'opérer cette restitution. Et apprenant cela, je vous laisse imaginer dans quel état de nerfs se trouvaient Cholmley et son complice Montaigu. Quoi qu'il en soit, nouveau motif d'inquiétude. Les affaires de Martin et les documents qu'il transportait sont confiés à la marine espagnole. Et pourquoi est-ce inquiétant, ça ? Parce que la marine a plutôt des sympathies pour la Grande-Bretagne. Donc, la mallette risque d'être directement remise au consul britannique. D'autant que jusque-là, le super-espion allemand dont je vous ai parlé n'a pas réussi à jeter un coup d'œil sur les fameux documents. Alors, Mincemeat risque donc d'échouer. Et on passe à 2 doigts de la catastrophe. Cependant, le ministre de la Marine, même s'il affiche des opinions anglophiles, cache son jeu. En réalité, il entretient aussi de très bonnes relations avec les Allemands, ce dont va profiter le chef de l'Abwehr pour l'Espagne, un certain Kulenthal. alertant les agents de la Gestapo en place, il obtient que les services de renseignement espagnols s'intéressent à l'affaire. Des services dirigés par un phalangiste très pro-allemand. Ouais. Résultat, les Allemands vont pouvoir avoir enfin accès aux documents. Exactement, 9 jours après l'échouage du cadavre. Les agents du Troisième Reich photographient donc tous les papiers, recollent soigneusement les enveloppes qui les contenaient, et la mallette est apportée à l'ambassade britannique de Madrid. Ni vu ni connu, pensent les Allemands. Et à Londres, on pousse un ouf de soulagement. Naturellement, même si l'affaire n'est pas encore définitivement jouée. Oui, parce qu'il faut encore que les papiers là, soient jugés authentiques. Bien sûr. Premier point positif. Les gens de l'Abwehr, en poste à Madrid, envoient les photocopies à Berlin avec un a priori favorable. Sur l'authenticité des papiers. Mais évidemment, le haut commandement allemand ne peut pas en rester là. Les photocopies vont être disséquées, analysées, et d'une façon générale, tout ce qui touche à l'affaire va faire l'objet d'une minutieuse enquête. Qui dirige ce travail ? Le meilleur analyste du renseignement de l'armée, le lieutenant-colonel baron Alexis von Hohn, qui appartient à la branche du renseignement militaire allemand pour les armées de l'Europe de l'Ouest. Von Hohn vérifie, scrute, analyse la moindre bribe de renseignement. Les rapports de l'Abwehr, les communiqués qui ont été interceptés, les interrogatoires de prisonniers, les rapports de reconnaissance et documents saisis. Oui, un travail de fourmi. Hein. Avant de poursuivre, je dois préciser que ce service qui diffusait des prévisions à long terme des plans de l'ennemi et des études détaillées des armées alliées à destination d'Hitler et de tous les dignitaires du Reich n'était jamais pris en défaut. Ces informations étaient considérées comme paroles d'évangile par l'état-major. Ouais, d'où l'importance des futures conclusions de von Hohn. Qui sont alors ? Le baron confirme dans son analyse la véracité des informations recueillies dans les lettres transportées par le capitaine Martin. Et il écrit que les circonstances de la découverte ainsi que la forme et le contenu des dépêches sont des preuves absolument convaincantes de la fiabilité des lettres. Toutefois, il ajoute que la nouvelle de cette découverte devra être traitée dans le plus grand secret et divulguée le moins possible. Oui, ça me paraît raisonnable. En tout cas, von Hohn, là, ne croit donc pas à un coup monté. En tout cas, ce qu'il affirme est transmet au haut commandement et donc à Hitler lui-même. Il y a une légère réserve dans votre dernière phrase, là. Oui, mais je vous expliquerai pourquoi. Enfin, laissez-moi poursuivre. Quelques jours plus tard, encore une fois grâce à Enigma, les services alliés ont intercepté un télégramme envoyé par le général Jodl, chef de l'état-major de la Wehrmacht, et donc responsable de toutes les opérations militaires au haut commandement du Sud. Ce télégramme indique qu'un débarquement ennemi à grande échelle était projeté dans un proche avenir à la fois à l'est et à l'ouest de la Méditerranée. Donc simultanément en Sardaigne et en Grèce, comme indiqué dans les documents Milsmith. Exactement. Et Jodl ajoutait que l'information provenait d'une source pouvant être considérée comme absolument fiable. Et il donnait enfin tous les détails de l'offensive en Grèce telle qu'elle était décrite dans la lettre du général Ney au général Alexander. Ah, Milsmith était donc un succès. Et ses inventeurs ont fait la fête. Et pourtant, il était encore permis de douter. Pour quelle raison, alors ? Hitler lui-même n'avait pas encore donné son avis. Or, selon certaines sources, il aurait exprimé son scepticisme. À propos de quel aspect ? Hitler n'aurait pas exclu que le cadavre ait été délibérément placé entre les mains des services allemands. Ouais. Ah, en l'occurrence, là, il a eu un éclair de lucidité. Hein. Ah, mais il n'a pas été le seul. Au sein même du service de von Hohn, des officiers, sans doute plus sceptiques, se posèrent des questions et prirent sur eux de demander plus de renseignements à l'Abwehr en Espagne. Et qu'est-ce qui les chiffonnait, là ? Ils s'interrogeaient d'abord sur l'incohérence entre l'autopsie indiquant 8 jours de décomposition et la chronologie établie par l'espion de l'Abwehr, Kulenthal, qui mentionnait juste 4 ou 5 jours entre la catastrophe aérienne et la découverte du corps. Autre sujet d'étonnement, comment un cadavre en décomposition, dérivant depuis plus d'une semaine, pouvait encore tenir sa mallette lorsqu'il fut récupéré ? Enfin, si catastrophe aérienne il y avait eu, où se trouvait l'épave de l'avion ? Ces officiers sceptiques-là, ont-ils obtenu des réponses ? Oui, le chef de l'Abwehr en Espagne, Kulenthal, a trouvé des arguments convaincants pour les tranquilliser. Et la controverse a pris fin. D'autant plus que l'analyse de von Hohn avait déjà convaincu tout le haut commandement à Berlin. Les Allemands ont donc définitivement mordu à l'hameçon. Et vous le savez, Hitler a renforcé la défense de la Grèce, où il a envoyé Rommel, et les forces alliées ont pu débarquer sans coup férir en Sicile, grâce à Mindschmidt. Alors, pour terminer, il faut dire que les promoteurs de l'opération ont bénéficié d'un coup de pouce qu'ils n'avaient sans doute pas prévu. Quoi ? Je reviens à von Rohn, cet analyste talentueux à vue claire. Il a compris, lui, qu'il y avait une supercherie. Oui, mais c'était un fervent chrétien que révoltaient les exactions des nazis. C'est si vrai qu'il sera par ailleurs du complot de Klaus von Stauffenberg contre Hitler. Oui, l'attentat de juillet 44. Et il a sciemment trompé Hitler en affirmant que les documents Mindschmidt étaient authentiques. Je vous rappelle l'ouvrage « Opération Mindschmidt » paru aux éditions XL. À samedi prochain sur franceinter.fr, comme à l'habitude, vous pourrez communiquer avec nous et même réécouter ce programme. Rebecca Nonant l'a préparé, Michel Billou l'a réalisé et Monsieur Joub y a ajouté ses formidables musiques. Tout de suite après le flash, CO2 mon amour de Denis Chessou.